Tonight, we come together bound by our faith with genuine respect and inheriting the legacy of a great party. This is not a perfect party. We are not a perfect people, yet we are called to a perfect mission. Et bonjour à tous dans cette boîte à bordel où aujourd'hui on va faire une petite interview de Fedaïd Pacha. Pour changer un petit peu de la présentation des labels, on va aller présenter la nouvelle compilation de Furania qui va sortir prochainement, où tous les artistes représentés des 20 dernières années sur Saint-Étienne. Et donc Fedaïd Pacha qui va sortir un track exclusif de la scène un peu punk. Alors justement, salut, on va dire Denis, c'est mieux. Est-ce que donc tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ce track et le groupe dans lequel tu figurais, pour qu'on puisse un petit peu expliquer aux auditeurs? Oui, alors dans les gens qui sortent cette compilation, il y a un copain qui est un activiste de la musique à Saint-Étienne depuis bien 40 ans, ce qui correspond au parcours retracé sur la compilation, puisque ça va jusqu'à 1980. Donc voilà, c'est un copain qui, il y a très longtemps, dans les années 90, avait sorti un morceau de mon groupe de l'époque amputé sur une compilation, puisqu'il n'avait pas assez de place, et que nous, on avait eu la mauvaise idée de faire un morceau de 10 minutes à l'époque. Donc voilà, il a toujours regretté, il me disait toujours « j'ai coupé le morceau de Naked Beast, je suis vraiment désolé, j'espère qu'un jour je pourrai le sortir en entier ». Et puis voilà, je crois que quand avec d'autres personnes, il avait l'idée de faire un peu cette rétrospective sur la musique stéphanoise, il s'est dit que c'était l'occasion de me redemander ce morceau. Donc il a mis le morceau « Cannabis Therapy » de Naked Beast sur cette compilation en intégralité. Et voilà, j'ai un peu du coup l'honneur d'avoir deux morceaux avec ce groupe de l'époque et avec ma formation actuelle Fedaïd Pacha sur la compile. Et je suis assez content de voir que voilà, ça fait un petit peu une petite anecdote rigolote au milieu de ces plus de 40 groupes. Et justement, alors cette scène punk, qu'est-ce qui a fait justement que tu t'intéressais à ce mouvement, alors que quand on écoute Fedaïd Pacha, le projet, on est très très loin en fait de cette musique orientale, où quand même c'est une musique aussi qui est assez dans la très contestataire, mais malgré tout j'aimerais bien savoir quelles sont tes inspirations. Alors déjà comme réponse, il y a un peu le titre de la compilation, parce que c'est quand même, pour ce qui représente Fedaïd Pacha, c'est quand même mon titre le plus punk. Où justement il y a quand même quelques sons orientaux qui traînent, mais il y a aussi beaucoup de oud saturé. Après, ce qui relie les deux, c'est un peu, ça correspond à mon parcours musical. J'ai écouté beaucoup de punk à l'époque, mais qui dit punk dit Clash, Ruts, des groupes comme ça, donc qui ont mélangé le reggae à leur musique punk. Et moi, l'origine de Fedaïd Pacha, c'était un peu de mélanger les racines du dub, les sons du dub, avec non pas des sons rasta ou des choses venues de Jamaïque qui m'inspiraient que moyennement, mais plutôt avec mon parcours personnel. Donc, en ayant des origines arméniennes, j'ai baigné un peu dans cette musique arménienne qui elle-même baigne un peu dans toutes les musiques de la région et se mélange un peu avec la musique arabe, la musique turque, la musique kurde, la musique perse, etc. Donc voilà, c'était une manière de nourrir mon dub avec des timbres un peu différents. Ok, alors pour un petit peu illustrer du coup mon propos par rapport au morceau, donc on va essayer d'écouter Naked Beast. Thank you. On va continuer donc sur la sélection pour aller un petit peu donc sur le projet Bangarang. Ouais. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ta collaboration avec Martin donc de Brain Damage pour un petit peu voilà continuer sur ce qui s'est passé dans ta carrière musicale, on va dire. Oui. Ouais, bah donc avec Martin c'est à la fin des années 90, à la fin du 20e siècle, on a monté ce collectif qui s'appelait Bangarang pour faire du dub. Lui, il avait déjà monté son projet perso Brain Damage, et on avait, avec les deux personnes qui le composaient et un batteur, on avait monté Another Sound System Experience. Donc voilà, un des premiers groupes de dub en France, même s'il y avait déjà Improvisators Dub, iTone, Zenzile, mais on faisait quand même partie de la première vague. On a été actif pendant 5 ans, on a sorti un maxi et plusieurs compilations de remix où on s'est fait remixer, où on a remixé des gens. Et voilà, c'était assez riche. Et puis eux, ils ont continué sur la lancée, sur leur projet. Et quand ça s'est arrêté, moi j'ai monté Fedaï Pacha. Et le label Bangarang est toujours actif ? Non, ça a vraiment été une grosse blague parce qu'on nous a beaucoup appelé label alors qu'en fait c'est plutôt un collectif assez réduit de personnes qui faisaient plusieurs projets parallèles, qui touchaient à plusieurs domaines. Mais très vite, on a travaillé avec des Parisiens qui s'appelaient Hammer Bass, on s'est fait distribuer par d'autres gens. On est rentré en contact avec Alpha Omega ou d'autres gens qui étaient actifs en Angleterre, aux États-Unis. Et voilà, très vite, on s'est consacré à faire de la musique et on a trouvé des partenaires pour sortir les disques ou distribuer, faire la promotion. C'était la bonne période du dub, on va dire que là, c'était assez... dire facile peut-être de sortir, mais est-ce que maintenant ça serait la même chose? Est-ce que l'électro-dub d'il y a 20 ans maintenant, il a l'air d'être, je sais pas, passé de mode, on peut pas dire ça, mais en tout cas, moi ce que je remarque souvent, c'est que dans les sound systems, on est plus sur un selecta à l'anglaise un peu dans ce que proposaient à un moment les dub stations comme il y avait à Paris ou ce genre de choses. Et j'ai l'impression que le mouvement un peu électro-dub s'essouffle un peu. Et donc, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses de ça? Oh bah, c'est clair qu'il y a eu une vraie évolution. Au bout de 20 ans, c'est un peu normal. Après, la scène sound system était complètement inexistante à l'époque, sauf un peu dans les réseaux antillais qui, eux, avaient ça culturellement en parallèle avec les Jamaïcains depuis le début, quoi. Mais je dirais pas que c'était plus facile à l'époque, parce que vraiment, moi j'ai vécu tout ce moment où quand on parlait de dub, les trois quarts des gens demandaient de quoi on parlait, savaient pas ce que c'était. Et alors oui, on n'était pas nombreux et il y avait un peu de place à se faire, mais c'était vraiment galère. On s'est vraiment retrouvé à jouer avec des groupes de reggae, roots français, qui n'avaient pas grand chose à voir avec ce qu'on faisait nous. On s'est retrouvé un petit peu avec comme roue de secours pour les publics techno qui étaient un peu persécutés à l'époque et qui avaient comme refuge les soirées dub qui étaient moins pourchassées par la police. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a une grosse scène sound system qui est montée en puissance et que bah, c'est la scène sound system, donc oui, ça se passe à l'anglaise avec des gens qui la plupart du temps soit font quelques prods mais surtout passent la musique des autres. Et le dub, lui, bah, c'est quand même bien réinventé en Allemagne depuis. Et puis heureusement, il y a quand même pas mal de soirées sound system où il y a des gens qui viennent faire leur live machine. Après, c'est clair que un peu les gens avec batterie, enfin, toute cette scène d'improvisateurs dub, iTone, Zenzile, ça c'est un petit peu rentré dans le rang. Et en même temps, c'est encore deux de ces groupes qui sont actifs, qui continuent à faire des choses. Donc voilà quoi, c'est non, je pense que c'est encore. C'est pas trop dur de faire du dub maintenant. Certes, il y a plein de gens, mais il y a une bonne émulation avec ça, quoi. Ouais. Bon, bah, j'espère qu'il y aura d'autres projets qui réussiront à rentrer dans les charts, mais on n'a pas l'impression que c'est ce que la majorité des gens écoutent actuellement, parce que voilà, les modes changent, mais c'est un public sélectif. C'est quand même peu de personnes qui sont intéressées par ce genre musical désormais, quoi. J'ai l'impression, en tout cas. Mais peut-être qu'en France, on sait pas, les modes, hein, tout change. Ouais, et puis ça n'a jamais été non plus la grosse hype. Ouais, c'est ça. Ça, on s'est fait une raison depuis longtemps, je crois, tous les gens qui gravitent dans ce milieu. Ouais, c'est ça. Bon, alors on va enchaîner avec un morceau donc de ASSE, qui jouait d'ailleurs ce soir où on fait cette interview, sous la pluie, donc c'est en ce samedi... je crois 4 novembre il me semble, SSE, donc Another Sound System Experience, donc le projet qui a été mené avec Martin donc de Brain Damage, donc là c'était pour présenter un morceau qui s'appelle Daily Grocery, sur l'album From Scratch, donc c'est le premier album, le seul album. Ouais, mini-album, le seul, ouais. Qu'on a ensuite fait intégralement remixer par des gens qu'on a invités un peu de la scène dub internationale. Ça a été le volume numéro 1 de la compilation Combat Dub. Voilà, les premières compiles Combat Dub qui après ont poursuivi entre Brain Damage et Fedaye Baja. Allez, on s'écoute ce morceau, Daily Grocery. Thank you. under pressure. Donc on revient pour continuer après sur un autre morceau qui est en fait un remix de Fedayi Pacha et un morceau de Brain Damage qui s'appelle The Tower to Eternity et avec un artiste qui figure assez souvent, Black Sea Fishy, avec cette voix assez caractéristique des albums de Brain Damage, une voix très posée. Et en fait, je voulais un petit peu qu'on parle de des symboles qui sont utilisés donc dans tes morceaux. Là, en l'occurrence, The Tower to Eternity, j'imagine que c'est la tour de Babel, ou c'est peut-être autre chose. Qu'est-ce que ça peut être, par exemple? Alors, le sens de ce morceau, il appartient à Black Sea Fishy, justement. J'ai pas creusé la question avec lui, même si ça fait longtemps que je le croise sur cette scène, que ce soit avec Brain Damage ou Ezekiel. Ça m'avait l'air d'être un délire un peu mystique, mais lui-même, il a des références bien codées. Je sais pas m'avancer à sa place. Et là, en fait, on est un petit peu sur un genre de hip-hop oriental, et c'est vrai que dans tes morceaux, y a beaucoup de métissage, vraiment de beaucoup de genres musicaux, beaucoup traditionnels. Et donc là, on sent quand même qu'il y a une nappe assez forte en arrière-plan, et avec des violons, comme une ambiance assez pesante quelque part. Et c'est vrai que finalement, dans vos morceaux, il y a quand même un côté sérieux, mais en même temps, vous avez envie, je pense, d'amener aussi des informations qu'on n'a pas forcément l'occasion d'entendre dans ce qu'on peut nous proposer dans dans la culture officielle. Est-ce qu'il y avait aussi cette volonté de transmettre ou d'amener à certaines personnes à se questionner sur l'histoire telle qu'elle nous est enseignée, ou d'aller fouiller un petit peu dans ces cultures qui ont beaucoup à nous apprendre, par exemple? Oui, bien sûr, c'est l'avantage du dub, que ce soit les morceaux instrumentaux ou en travaillant avec des chanteurs comme Black Sea Fishy, c'est qu'on peut avoir des fonds un peu riches et en même temps pas les imposer frontalement, juste faire quelques allusions de ci, de là, et puis essayer de pousser les gens à aller chercher par eux-mêmes des sens cachés, se faire leur propre opinion, parce qu'après tout, on n'est pas là non plus pour imposer une seule vision. Donc c'est un morceau assez typique de ça, justement. À la base, il y avait un espèce de pied techno très rapide, déjà cette ambiance un peu oppressante, mais moi je suis allé chercher le musicien avec qui je travaille depuis très longtemps, qui s'appelle Manu Chehab, qui est joueur de oud, de saz, de tar. Il y a des percussions de pogo bongo aussi. Enfin, j'ai un peu ramené mon équipe avec moi, j'ai repris les sons de Brain Damage. À l'époque, il bossait avec Raph, son bassiste, Black Sea Fishy, et lui et moi, on le connaît depuis longtemps. C'est aussi un activiste de la scène, donc on a on a un petit peu fait ces références naturellement. Ouais, c'est clair qu'on aime bien prendre les chemins de traverse et que si on essayait de faire un tube pour la télévision, bah, ça se saurait un peu, quoi. Mais là, non, c'est... Ouais. Bon, alors, sur ces petites notes, on va pas dire de cynisme, on va en tout cas écouter The Tower to Eternity. Avec Denis de Fedaï Pacha dans cette boîte à bordel spéciale Furania où je fais une petite présentation pour expliquer un petit peu, on va dire, sans expliquer, mais enfin, raconter l'histoire artistique de Vedahi Pacha dans ce milieu stéphanois. Et donc on va aussi, après la pirouette remix Brain Damage, là on va faire donc un petit voyage en Bosnie avec le morceau Pyramidal Dub. Donc c'est un morceau qui a été donc à la base composé donc par Vedahi Pacha et remixé par Brain Damage sur l'album Combat Dub 3. Et donc, je voulais savoir un petit peu cette histoire de Pyramidal Dub, parce que c'est assez mystique aussi en soi. Oui, bah ça c'est mystique, ça fait partie des anecdotes super intéressantes qui peuvent arriver quand on a la chance de sortir un peu de France pour jouer. Là, c'était une tournée, une mini-tournée que j'avais fait au Kosovo et en Bosnie en 2006, je crois, et qui était là pour célébrer la première fête de la musique qui avait lieu en Bosnie-Herzégovine. Donc il y avait 4 dates en Bosnie, il y avait 2 dates au Kosovo. Et le truc qui était bien, c'est que l'Allemagne était impliquée aussi dans le projet culturel. Donc ils avaient envoyé Alexander Acke du groupe Einstürzende Neubauten avec sa femme, avec qui il compose maintenant un espèce de binôme artistique qui s'appelle Acke Picciotto. Et donc voilà, on faisait nos lives ensemble sur les dates en Bosnie-Herzégovine. Et on est passé par Mostar, Tuzla, Srebrenica, de sinistre mémoire, et Sarajevo. Et sur la route retour vers Sarajevo, qui était le dernier concert, on est passé par Visoko. Donc voilà, bien sûr. Ça faisait partie des attractions qu'essayait de créer un peu la Bosnie à l'époque. Bon, sur place, on ne va pas se le cacher, il n'y a pas grand-chose à voir. Surtout des vendeurs ambulants qui vendent des pizzas en forme de triangle, oui. Des gravures de bois, enfin, plein de choses comme ça. Mais bah, moi, ça m'intéressait bien sûr pour le côté un peu mystique, mais sans trop se prendre au sérieux, parce que c'est un peu du mysticisme de pacotille. Ce qui est super intéressant, c'est de voir quand même que l'Indiana Jones local qui se promène avec le même chapeau vraiment gonflé l'histoire, parce qu'on retombe vraiment sur des choses qu'on retrouve dans tous les pays qui ont besoin d'affirmer leur identité, etc. C'est-à-dire pousser des espèces d'archéologie identitaire, essayer de trouver un peu quelque chose pour se distinguer de tous les voisins. Et donc voilà, il y a ces fameuses collines de forme triangulaire un peu plate qui auraient été donc des pyramides construites des milliers d'années avant même les pyramides d'Égypte. Enfin, c'est vraiment des choses, pour les gens que ça intéresse, il y a vraiment des débats comme ça qu'on retrouve dans toutes les communautés des réseaux sociaux. Un Grec ne peut pas poster la moindre image de la Grèce antique sans qu'il y ait automatiquement des gens de la République de Macédoine qui débarquent pour dire que non, c'est eux les vrais Grecs de l'Antiquité, que les Grecs de maintenant n'ont rien à voir avec les Grecs de l'Antiquité. Il y aura automatiquement un Albanais qui va débarquer pour dire que non, c'est eux qui sont là depuis le début. Enfin vraiment, c'est. Mais malgré tout, ça reste des combats identitaires qui font bien moins de victimes que les guerres. Donc voilà, c'était l'occasion de demander à Alexander Acke, donc. De me faire ce texte sur les pyramides. J'avais vu le film Crossing the Bridge de Fatih Akin où il explore la scène musicale turque à Istanbul. Donc je savais qu'il avait un côté un peu touriste musical comme ça, et il m'a fait le texte, il l'a dit de façon super bien, il l'a enregistré lui-même parce qu'il sait tout faire. Et voilà, c'est depuis. C'était vraiment le truc à faire remixer à Martin, parce que je sais qu'on a plein de goûts communs sur ces choses-là. Bon, et c'est sûr que ça peut être assez étonnant, parce que bon, moi j'ai lu que apparemment les pierres avaient été construites il y a 150 000 ans. Hein, il y a des datations qui disent que par un spectromètre, ils auraient analysé la nature des pierres et alors elles auraient été fondues par une méthode qui n'existe plus de nos jours, comme un genre de coulée pyroclastique, c'est-à-dire chauffée comme avec les fours solaires, enfin bref. Donc, et pour l'info, il y a un fragment de pierre à Saint-Étienne de la pyramide de Visoko que j'ai donné à quelqu'un. Donc dans Saint-Étienne, il y a un bout de cette pyramide. Voilà, si vous avez envie de chercher, je vous dirai. C'est le parcours du combattant pour la trouver. Donc on va s'écouter à leur Pyramidal Dub. The Pyramid of the Sun. The Pyramid of the Moon. The Pyramid of the Dragon. The Bosnian Pyramids. On revient sur cette interview avec l'Arménie et du coup Denis qui est à moitié arménien et breton de sa mère. Donc ça fait aussi un métissage assez intéressant. C'est vrai que génétiquement tout est possible. On m'a confié que ta mère écrivait actuellement un livre de souvenirs et d'histoires sur. Alors je ne sais pas justement, je voudrais savoir un petit peu plus sur l'Arménie. Ensuite je parlerai d'un morceau sur lequel tu as performé Donc c'était au Novi Sad, c'était en Serbie, si je... ouais. Voilà. Et voilà. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce livre, disque qui a... Alors, je ne sais pas s'il est en voie de parution, s'il est encore en écriture. Non, oui, il est sorti il y a quelques années. Ah, il est déjà sorti, pardon. Oui, c'est un livre qu'effectivement ma mère avait écrit pour raconter l'histoire de ma grand-mère, qui, elle était illettrée du coup. Et à l'époque, c'est vrai que ma grand-mère parlait assez peu du génocide arménien et de son trajet à travers la Syrie et la France. Donc j'en avais parlé un peu dans ma famille, j'avais dit c'est dommage de perdre ces histoires vu qu'elle était quand même assez vieille. Et on l'avait enregistré quand j'étais enfant sur une cassette, etc. Et donc ma mère est partie de cette cassette pour écrire un espèce de livre qui fait la rétrospective de tout le voyage depuis l'Empire ottoman jusqu'à la France et puis un petit peu l'évolution de la famille après. C'est une grande tradition, c'est vrai que c'est le genre de livre qu'on peut beaucoup trouver dans la communauté arménienne où un petit peu tout le monde a pris le temps au moment de la troisième génération de se dire mais en fait voilà, la deuxième génération s'est jetée à corps perdu dans l'intégration, la France, etc. Mais qu'est-ce qui reste comme souvenir de la première génération et ça a permis de faire un peu le lien et moi du coup sur cet enregistrement de cassette j'avais à l'époque fait un morceau en remixant la voix de ma grand-mère qui s'appelait Vilayat of Diyarbakir, la ville dont elle était originaire dans l'Empire ottoman, en Turquie. Et voilà. Tu me parlais de... Ah oui, du festival à Novi Sad, oui. Voilà, donc en Serbie, voilà. Où on te voit performer et chanter d'ailleurs. Parce que, ouais, c'était le challenge un peu à l'époque. Oui, ouais, Novi Sad, donc il y a ce festival Exit qui est très très très très gros, qui se passe dans la forteresse... qui faisait un peu la frontière entre l'Empire ottoman et l'Empire austro-hongrois. Et un énorme festival, je crois que j'avais joué... alors sur la grande scène, il y avait Prodigy avant, et puis sur la scène où je jouais, il y avait... je sais plus, il y avait les Amis de Vounéni, en tout cas, le groupe de Bosnie. Du coup, c'était un super souvenir. Et à cette époque, où effectivement, il y avait le morceau Aman Aman, où je m'étais mis un petit peu comme challenge de prendre le micro... au milieu de tous mes morceaux instrumentaux ou des chanteurs chanteuses invités et j'avais un peu donc évoqué effectivement cette question arménienne avec une liste de villes qui avaient subi justement les déportations et les massacres à l'époque et pour entrecouper ce refrain qui dit Aman Aman, mon Dieu qu'est-ce qui leur est arrivé, j'avais de façon un peu prémonitoire hélas rajouté Mardakert et Stepanakert, les villes du Karabakh, de l'Artsar qui a été récupéré par l'Azerbaïdjan dans la guerre d'il y a 2 ans et l'invasion finale d'il y a quelques mois. Officiellement, je ne sais pas, mais l'Arménie, il m'avait semblé qu'ils avaient effacé un peu les frontières. C'est un peu comme un territoire fantôme, quelque part. Ça a toujours été un territoire fantôme. Il y a un excellent film dont j'ai oublié le titre, mais qui parle de l'aéroport de Stepanakert. Qui était un peu l'espoir pour les Arméniens à l'époque de faire reconnaître leur enclave, parce que l'Arménie, c'est l'Arménie, c'est l'ancienne, tout ce qui reste de l'Arménie, c'est l'ancienne République soviétique, mais l'Artsar, le Haut-Karabakh, c'était un territoire peuplé majoritairement d'Arméniens, mais qui avait été intégré par Staline dans l'Azerbaïdjan, histoire de mettre un bazar qui permette aux Soviétiques de maintenir leur pouvoir. Et du coup, ce territoire a fait sécession à la chute de l'Empire soviétique en 90 et est resté indépendant après une guerre terrible des deux côtés jusqu'à 2020, mais reconnu par personne, pas même par l'Arménie. Un peu comme tous ces pays qui existent et qui n'existent pas, comme le Puntland en Somalie, comme Chypre Nord, qui est occupé par l'armée turque. La guerre entre les Turcs et les Grecs, c'est ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce live, on voit des derviches tourneurs en arrière-fond dans la vidéo. Et tu joues avec des krakabou, qui sont des instruments traditionnels gnawa. Ouais, c'est ça. Ça fait quand même un truc assez... C'est un gros mélange, effectivement. Après, il y a des moments où la musique passe avant toute chose et l'instrument percussion le plus pratique à jouer sur ce morceau, c'est effectivement les carcabous. Et il se trouve trouve que le VJ avec qui je bossais à l'époque était plutôt parti sur un truc de mouvement circulaire et de danse circulaire, donc on peut effectivement rattacher un peu les Gnawa au soufisme malgré tout, mais c'est clair qu'il y a quand même un moment où la fusion de culture et tout peut donner des images un peu comme ça, où, en même temps ça définit bien un peu l'ouest et l'est de mes influences musicales. Quoi. C'est, géographiquement, c'est un peu le cadre dans lequel j'exerce. Oui, c'est ces endroits un petit peu, comment dire, dans un ancien temps où justement les musiques traditionnelles étaient très largement utilisées, on va dire. Et justement, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que toi, tu vas aller rechercher dans ces musiques. Donc peut-être pas le côté spirituel, mais c'est vrai qu'on aurait tendance à penser que dans ces pays, on les écoute, ces musiques traditionnelles, comme une musique assez moderne, enfin en tout cas, alors qu'en fin de compte, moi en voyageant, je disais, donc en Algérie par exemple, on n'a pas forcément l'occasion d'écouter de la musique Gnawa, c'est beaucoup de la musique raï ou même maintenant beaucoup de rap, et cette musique qui est pourtant, qui fait sens comme l'excellence quelque part, parce que elle est assez complexe, elle évoque la spiritualité, etc. C'est vrai qu'on s'en éloigne, et c'est vrai que je trouvais super intéressant cette manière de l'évoquer par petites touches. Voilà, en tout cas, c'était ce que je trouvais intéressant. Et, est-ce que pour toi, la musique traditionnelle, en fin de compte, qu'est-ce qu'elle évoque au plus profond de toi, quelque part ? Est-ce que beaucoup disent, par exemple, que la musique est donc reliée au spirituel par rapport à certaines fréquences qu'on pourrait dire, le chant par exemple qui nous relie à ce qui pourrait être plus grand que nous, hein, finalement. Et donc est-ce qu'il y avait aussi quelque part, je sais pas, un lien qui pourrait se créer à travers la musique, je sais pas, c'est un petit peu confus ma question, mais est-ce que tu peux me dire si voilà, ça te paraît un lien? Je vois bien ce que tu veux dire, c'est un peu la dualité du truc, quoi. C'est la musique traditionnelle, elle est avec la société traditionnelle, donc c'est pas la peine de se revendiquer d'elle à 100%, puisque de toute façon ce serait complètement faux de faire ça, et en même temps bah, elle a pas disparu non plus complètement, donc nous, on n'est pas des extraterrestres coupés de ça complètement, donc on a aussi des besoins de danser, de la transe, de la libération un peu de l'esprit ou du corps, mais de moments de célébration de groupe, toutes ces choses-là. Donc voilà, quoi, on peut encore utiliser à notre manière, parce que c'est pas la peine de singer des vieux usages, mais on a encore besoin de... La réponse qu'elle apportait dans une société traditionnelle, elle apporte aussi des réponses dans notre société, même si elles ont évolué. Et ouais, tu parlais des Gnawa en Algérie, effectivement, c'est pas... Enfin, le Maroc met beaucoup plus en avant la musique Gnawa, et on a fait un peu un festival qui attire des gens du monde entier. Oui. En même temps, il y a encore dans les campagnes, dans tout le Maghreb, quand il y a vraiment besoin de retourner à ces soirées lila, à ces exorcismes, il y a encore des musiciens Gnawa qui jouent loin de tout touriste, loin de toute vision externe, en fait, pour le groupe, pour la société elle-même, où les gens utilisent ça, mais voilà, c'est clair que je crois que tout comme on va aller écouter un concert de rock, on sera très très loin du bluesman originel du Mississippi qui est amplifié à même pas sa guitare, c'est la même chose, hein, on garde un peu le squelette du truc, on le réutilise maintenant, et puis c'est un peu une sorte. On essaie de rendre hommage sans non plus se moquer ni se méprendre sur la fonction de cette pratique culturelle. Bon, alors pour illustrer donc ce que je disais, alors on était parti de l'Arménie, hein, je le rappelle. Donc on va écouter le morceau Aman Aman qui est donc sorti sur l'album From the Oriental School of Dub en 2009. We'll be right back. continuer ce voyage après la Bastille, on va faire un petit saut de puce parce que malgré tout on n'est pas très très loin de la Palestine et avec ce qui se passe actuellement je me sentais un petit peu entre guillemets obligée de faire une petite évocation et il y a un morceau sur lequel j'avais un peu tiqué et en discutant pour préparer cette interview j'avais demandé de quoi il s'agissait et en fait Denis m'a expliqué qu'en fait c'était un morceau qui était un poème palestinien. Donc ce morceau c'est Massa Un Narges sur l'album Dubworks In Mysterious Waves qui est sorti en 2004 et donc je voudrais si tu veux bien nous expliques un petit peu de quoi qu'est-ce qu'on raconte un petit peu donc dans ce poème. Donc c'est un poème de Mahmoud Darwish, le grand poète palestinien vraiment très connu, que j'ai adapté musicalement, puisqu'ils avaient été assez gentils pour me laisser, pour me donner l'autorisation pour sa maison d'édition française. C'est un poème qui parle des narcisses dans le titre original arabe, mais qui en fait a été traduit par « La terre se transmet comme la langue » en français. Il a été lu par un ami libanais à moi de Saint-Étienne qui m'avait fait une super lecture du poème. C'est « La terre se transmet comme la langue », c'est encore, comme beaucoup de poèmes de Mahmoud Darwish, un poème sur l'exil, un poème sur les liens qui subsistent dans les communautés exilées et qui passent leur temps à réfléchir, à se rappeler de la terre d'origine et de garder cet espoir un jour de retourner dans la terre d'origine. Comme on a la plupart des familles palestiniennes, il y a encore la clé des maisons qui ont été abandonnées, soit en 48, soit en 67, au gré des différentes guerres qui ont agrandi le territoire israélien. Et d'ailleurs, j'ai lu que Mahmoud Darwish est né en 42 à Saint-Jean d'Acre, en Galilée. Donc, il n'est plus donc un territoire palestinien, mais qui est maintenant totalement récupéré par Israël. Et en fait, il est parti en 78 de la Palestine et il s'est réfugié aux États-Unis en 1970. Donc, en fait, il a fini ses jours dans une autre nation, mais en fait, c'était assez étonnant. Il finit sa vie au Texas, Mahmoud Darwish. Et c'est vrai que c'est pas évident à comprendre, je pense, pour des personnes qui ne vivent pas ce problème de déracinement. Je sais pas s'ils fuient cette volonté de comprendre, mais en tous les cas, c'est quand on entend ces problèmes qu'il y a actuellement de parti pris politique. C'est vrai que c'est, je trouve important que justement, oui, par la musique ou par d'autres biais, on essaie de faire comprendre ce que ressentent ces personnes et comment elles finissent par devenir, pas violentes, mais revendiquer leurs droits. Et est-ce que par la musique, on peut faire bouger politiquement les choses ou il faut arriver jusqu'aux armes pour que on puisse reconnaître qu'on a été bafoué au niveau de nos droits fondamentaux? Est-ce que les armes sont nécessaires quelque part pour arriver à se faire comprendre actuellement, alors qu'on est censé être de plus en plus évolué? Quel médium est le plus... L'ONU, on a l'impression qu'ils sont un petit peu, pas très entendus. On a l'impression qu'après les procès qui ont eu lieu après Srebrenica, justement, on a jugé tous ces criminels de guerre, après le génocide qu'il y a eu au Rwanda, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui se produit. Et qu'est-ce que toi, musique, enfin en tant qu'artiste, je veux pas ton point de vue, mais est-ce que tu as l'impression que quelque part la musique, ça pourrait être le fameux vecteur qui permettrait de pacifier la population, ou cette guerre sans fin qui... comment faire? Quel serait ton point de vue d'artiste là-dessus? sur ce conflit actuel, par exemple. Mon point de vue d'artiste, c'est de rester un peu modeste par rapport à ce genre de questions. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on choisisse entre la musique ou les armes. Après, la musique, de toute façon, c'est un moyen, effectivement, de maintenir une culture, de garder un bagage culturel qui aide à survivre, parce qu'il ne s'agit pas juste de manger, de dormir pour survivre, mais il y a plein de choses autres, et préserver son identité culturelle, ça reste important. C'est pas non plus ça qui va faire tomber les murs, les oppressions, ou quoi que ce soit. Ça peut éventuellement servir de bande-son aux gens qui luttent, mais... Voilà, je pense pas que la musique, éventuellement, elle peut guérir un peu le cœur de ceux qui ont réussi à sortir du traumatisme. Mais après, les combattants, souvent, ils n'ont pas d'autre choix. Là, on focalise un peu sur des événements comme si ça avait commencé le 7 octobre. En fait, non, je crois que depuis 1948, il y a des hausses et des baisses de violence. Il y a une violence d'un côté et il y a une réponse violente de l'autre. Et puis il y a aussi des gens à côté de ça qui essaient de résoudre les choses pacifiquement, et à chaque fois que la voie de la paix est un peu bafouée ou rejetée par un camp, il y a la réponse violente qui arrive en retour. Donc voilà, c'est quelque chose, moi, qui me touche personnellement, parce qu'il y a toujours eu un parallèle entre les fédayis arméniens, les fédayis palestiniens. On les a retrouvés souvent dans les mêmes camps au Liban dans les années 70. On a souvent retrouvé les gens de culture palestiniens ou arméniens dans un même réseau de résistance culturelle. Voilà. Après, il y a des points communs entre tous les peuples, c'est sûr, hein, mais moi, ça me touche aussi parce que on donne un peu une étiquette exotique et orientalisante à ce conflit. Alors qu'en fait, c'est quand même une grosse responsabilité européenne dans l'histoire qui s'est débarrassée un peu après la Deuxième Guerre mondiale, après avoir été insupportablement antisémite, a généreusement offert la terre de quelqu'un d'autre pour soi-disant résoudre le problème. Et voilà quoi, c'est... Est-ce que c'était vraiment une réparation de la guerre? Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt créé un État d'Israël en Bavière plutôt qu'en Palestine? Donc voilà, c'est ce genre de réflexion qui ne sert pas non plus à grand-chose maintenant, mais je pense que c'est à chacun de se remettre en cause, à se demander qui occupe qui, et pas se laisser influencer trop par des images de violence qui sont de toute façon insupportables, quel que soit le côté qui les commet. Quoi. Bon, alors, pour aller en Palestine, donc je vous promets un peu plus de douceur avec le morceau Massaoud Narjes. والأرض تورث كلها وعادوا Que tu as sorti, donc, qui s'appelle Odyssée, hein, je le prononce bien apparemment, donc c'était en 2018, donc c'était sur un autre label que Hammerbass, d'ailleurs c'était label Casamance, j'avais noté, ouais. Et donc sur cet album, c'est vrai qu'on voyage aussi pas mal, il y a pas mal d'évocations aussi sur le Maghreb, il me semble que sur les Balkans. Enfin voilà, on est toujours un petit peu sur les mêmes localisations, mais malgré tout, un peu plus roots, j'ai trouvé cet album, moins dub, électro-dub dans ce sens-là. Enfin, c'est en ce qui me compte, enfin, machine et son. Voilà. Et moi, je voulais savoir du coup, depuis ce temps-là, j'ai lu que tu faisais la programmation au festival de danse, où tu faisais... pas la programmation, mais j'ai... Musicale, en tout cas, tu composais pour ce festival. Et donc, je voulais savoir si tu pouvais nous en parler et puis éventuellement nous dire un peu tes projets actuels. Oui. Donc Terabina, le titre que tu passes, c'est, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est sur l'album, j'ai demandé à un ami qui s'appelle Chaspa, Aspia Chabic, un ami qui jouait dans le groupe Vuneni, justement, dont je parlais, qui m'a accueilli en Bosnie quand on a fait cette tournée en 2006, qui a pas mal tourné avec Jarring Effect et en France à l'époque avec ce groupe Vuneni. Et voilà, maintenant, j'avais demandé de me faire une voix pour ce morceau. Il m'avait déjà à l'époque, sur un autre album, fait des percussions et de la guitare, mais là, il a enregistré ce morceau, Terabina. Ben voilà, c'est toujours un plaisir de croiser les gens comme ça, même s'il y a des distances, même si on ne se revoit pas tout le temps. Maintenant, avec l'échange de fichiers musicaux, il y a moyen de faire des collaborations à distance. Donc, je suis très content de le retrouver. L'album, effectivement, il est plus roots parce qu'il y a plein de participants. Et que voilà, quand les musiciens arrivent, il faut faire un peu de place avec les machines. Et puis le lien, avec ce que tu disais, c'est donc... j'ai été contacté par une compagnie de danse de Saint-Étienne qui participait au défilé de la Biennale de la danse de Lyon. C'était une compagnie qui travaille sur la danse africaine et plus précisément sur la danse d'Afrique de l'Ouest, parce que la danse africaine, ça ne veut pas dire grand-chose vu la grandeur du continent et la multiplicité des cultures. Mais ils avaient besoin un peu de faire ce... Ils travaillent avec des musiciens traditionnels déjà quand ils font... leur stage de danse, leur prestation, leur spectacle. Mais là, ils voulaient un petit peu un mélange justement de son électronique avec la musique traditionnelle. Donc voilà, des gens avec qui j'avais travaillé leur ont parlé de moi. Et je me suis retrouvé à composer 5 titres pour 5 chorégraphies qui ont été présentées donc à Fourvière, au Théâtre Antique et au Puy Courriot à Saint-Étienne dans le cadre de ce festival de Biennale de la danse. On l'a aussi rejoué quelques fois dans d'autres endroits. Et ça m'a permis de jouer avec un vieux complice comme Pogo aux percussions, mais aussi avec Tiumse, rappeur sénégalais installé maintenant à Saint-Étienne, qui avait déjà participé à mon dernier album. Donc on a relancé la collaboration. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui vient de l'école un peu griots, Mohamed Camara, qui lui donc a joué la kora, le balafon, le djembé. Et on a fait un peu ses créations. Et puis les projets actuels, justement, ça rejoint ce que tu disais, c'est on a continué à composer des titres ensemble et on continue à faire des prestations avec les danseuses de la compagnie Kavanako. Je dis les danseuses parce qu'il y a beaucoup plus de filles que de garçons, mais ça reste mixte malgré tout. Et puis on fait aussi, on a aussi en préparation une série de concerts avec juste les musiciens de ce groupe. Et là, prochainement, alors quelle date Alors le 8 décembre, je crois, on joue à La Cale, au Cred Rock. Ce spectacle dansé. Mmh. Et puis là, je suis aussi en phase de composition pour le prochain album de Fedaï Pacha. Ah. On a des concerts qui se calent pour le printemps. Mmh. Et toujours les concerts, donc... France-Afrique, c'est le nom du groupe de musique qu'on a fait avec la danse, qui se cale aussi avant ça. Donc voilà, c'est un petit peu tout azimut, mélange trad, électro, dub, machin. Et bidule donc. Non mais super, au moins on aura des infos. Alors on va s'écouter Terabina, donc sur son dernier album de 2018. Alors ça fait quand même... 5 ans d'absence dans les studios. Il y a eu pas mal de remix et de featuring sur les albums d'autres gens depuis, donc ça occupe. Et puis, comme beaucoup de musiciens, on s'est un peu pris le Covid dans la tête aussi, en termes d'interdiction de jouer. Je comprends. Ok, bon, allez, c'est parti pour l'écoute. Terabina, Terabina, Terabina. 11. Dobro, dobro, nebo. I još 1000 godina, ako treba, taj će narod i travom i nebom mirisati, ma će dočekati slobodu. Dobru slobodu. Dobro, dobru slobodu. Terminer ce petit voyage dans la boucle punk avec London Instant sur l'album les 99 noms de off dub, les 80, c'est pour faire référence j'imagine aux 99 noms de Dieu qui est sorti en 2007. Alors je me disais que finalement un des noms de du dub, ça serait donc le punk hein, finalement, puisque c'est aussi une bonne pirouette. Je sais pas quels seraient les 98 autres, mais on pourrait en chercher pas mal. Alors j'avais dit aussi que forcément dans ces 99 noms, il y a Joe Strummer hein, et qui en parallèle de Liberi et King Tubby hein, dans les pères fondateurs de ce qu'on pourrait appeler le mouvement dub. Et du coup, je m'étais dit que ce côté londonistan est intéressant aussi parce que à Londres, il y a aussi beaucoup de fusion des pays asiatiques de l'ancien Commonwealth, qui est toujours, plus ou moins existant, on va dire, entre l'Inde, le Pakistan, la Jamaïque, j'avais noté, qui sont quand même assez prégnants dans la culture anglaise. Donc j'imagine que quelque part il y a une forte inspiration de cette culture pour ta musique qui a été composée sur cet album, et en l'occurrence ce morceau Londonistan, assez péchu je dois le dire, avec musique traditionnelle indienne qui est assez sophistiquée, et c'est ce que tu peux nous raconter un petit peu justement, voilà, qu'est-ce que le Londres évoque, London Calling, on va dire. Oui, c'est ça. Londres, j'y suis allé plusieurs fois. Ça a été vraiment des escapades musicales marquantes à l'époque. Parce que j'ai toujours vu des concerts incroyables, découvert des musiciens auxquels on n'avait pas forcément accès ici. Et puis voilà, après, effectivement, tu parlais de la culture Commonwealth et surtout ancienne colonie britannique. Au moins de façon culinaire, c'est un truc qui reste marquant en Grande-Bretagne. Du coup, sur le morceau, je suis parti d'une partie de tabla que m'avait joué un copain. Les percussions indiennes, pakistanaises qu'on trouve là-bas. Il y a un moment, il y a eu quand même une scène assez marquante autour de Talvin Singh, qui lui-même a été percussionniste pour Dub Syndicate. Donc voilà, c'est un peu l'esprit d'escalier dont on parlait tout à l'heure, quand tu cherches un titre ou évoquer des choses rapidement autour d'une musique, donc boucle de tabla, il y a un peu d'harmonium aussi, un peu comme, parce que j'aime beaucoup la musique Kawali de Nusrat Fateh Ali Khan à l'époque, donc j'ai mis un peu ça mélangé à du dubstep, avec des basses un peu ronflantes qui commencent à émerger à l'époque de cet album en Angleterre. Qu'est-ce qui s'est passé Londonistan, c'était un peu le surnom qu'on donnait à Londres à l'époque où certains dénonçaient la présence musulmane dans les parcs de Londres. C'est un morceau qui est assez péchu, qui a été remixé par Dub Mentalist, un autre artiste stéphanois qui est aussi sur la compilation Furania à l'époque de Combat Dub 3. Comme je te disais, c'est un peu mon paysage musical rêvé que je me suis fait en partant de ces influences arméniennes et puis en agrandissant au gré des voyages, des rencontres au fur et à mesure. Ça va un peu du Maghreb jusqu'à nord de l'Inde et en passant par toutes les cultures qu'on peut trouver sous l'étiquette certes réductrice orientale. Et je suis super content de naviguer dans tous ces vols-là. En tout cas, merci pour cette interview et on va donc s'écouter Londonistan et je vous souhaite une très belle fin de journée, de soirée, je ne sais pas où vous serez et à très bientôt dans cette boîte à bordel.